Chapitre 22e. Avant de remonter à son appartement, Juliette commanda qu'on attelât tout de suite le poney au panier, puis cet ordre donné, elle alla habiller son fils pour sortir. Quand elle redescendit, tenant l'enfant par la main, elle trouva M. Descloiseau dans le vestibule. Elle voulut l'éviter, et un moment elle hésita si elle ne retournerait pas en arrière, mais il vint au-devant d'elle. Des domestiques regardaient curieusement ce qui se passait. Il fallait se contenir. Il s'approcha d'elle et lui parla à mi-voix. « Vous n'avez donc pas compris que vous aviez tout intérêt à me ménager ?» dit-il. Elle continua de marcher. « Le désespoir, dit-il, peut nous entraîner bien loin. » Elle ne le regarda même pas et comme son fils voulait s'arrêter, elle le tira doucement. Encore quelques pas, et elle allait atteindre le perron. Monsieur Descloiseau s'avança de manière à lui barrer le passage. « Est-ce que Monsieur Oiseau vient avec nous ?» demanda l'enfant. « Pourquoi donc veux-tu que j'aille avec toi, mon petit Félix ? Est-ce que cela te ferait plaisir ?»« Non, mais si tu t'es venu avec nous, je t'aurais demandé quelque chose. »« Eh bien, demande tout de suite. » Juliette voulut entraîner son fils, mais celui-ci avait pour habitude de n'en faire qu'à sa tête. Quand il avait une idée, il la suivait jusqu'au bout. « Pourquoi, demanda-t-il, noircis-tu tes serviettes à table ? Jean dit que tu essuies tes bottines avec. Rachel dit que tu essuies tes moustaches. Tu mets donc du cirage à tes moustaches ?» Monsieur Descloiseau fut un moment décontenancé. Il était dans une situation à ne pas retrouver facilement sa présence d'esprit. Cette question d'enfant terrible l'avait exaspéré. Juliette profita de ce moment de trouble pour franchir la porte et descendre le perron. Mais Félix ne voulait pas la suivre. Son esprit était logique, il avait posé une question, il tenait à avoir une réponse. « Est-ce que c'est vraiment du cirage ? » dit-il en se campant devant M. Descloiseau. Celui-ci abandonna la place et ayant salué Juliette, il se dirigea vers la porte de sortie. Juliette prit son fils dans ses bras et l'installa dans le palmier. Le plaisir d'avoir un fouet à la main fit oublier à l'enfant l'idée dont il s'était féru. « Hu !» dit-il, et il toucha le poney, qui, habitué à ses caresses, se mit pacifiquement en route, en trottant de son pas court, la tête baissée entre les jambes. Lorsqu'ils furent dans la rue, ils aperçurent M. Descloiseau à une certaine distance devant eux. Il allait chez Mme de Labranche. C'était une fête pour Félix d'aller à Chennevières, où il était reçu en enfant gâté. Madame Hérol, qui l'avait pris en grande affection, se mettait à ses ordres. Elle savait l'amuser, et elle avait toujours pour ses collations du fromage à la crème. Aussi, tout le long du chemin, fouetta-t-il le poney et la route se fit assez rapidement. Hérol n'attendait point Juliette. Son premier mouvement fut un élan de joie, mais lorsque leurs regards se furent croisés, il sentit qu'il devait se passer quelque chose de grave, et que cette visite n'était point une simple surprise, un plaisir qu'elle avait voulu lui faire. « Le pan !» dit Félix. Et suivi de Madame Hérol, il entra dans la basse-cour pour jouer avec le pan et décider l'oiseau à faire la roue au soleil. « Eh bien ?» demanda Hérol, lorsqu'il fut seul avec Juliette. « Allons dans votre atelier, » dit-elle. Il passa le premier, elle le suivit vivement. La porte de l'atelier refermée, Hérol recommença sa demande par son regard anxieux, mais au lieu de lui répondre, elle se jeta dans ses bras. Il la sentit frémir contre sa poitrine et son angoisse s'augmenta. « Que se passe-t-il donc ? Parlez, je vous en prie. On sait tout. » Elle lui raconta alors comment M. Descloiseau les avait aperçus dans une vitre. « Qui vous l'a dit ? Lui-même. Il était à la maison il y a une heure à peine et je l'ai quitté pour accourir ici. » « Chère Juliette, je vous en supplie. Ayez le courage d'être franc jusqu'au bout et tout me dire. Ce monsieur Descloiseau m'est suspect depuis la première fois que je l'ai vu près de vous. Il a une façon de vous regarder, il a une façon de vous prendre la main qui me soulève le cœur. Mes soupçons sont-ils fondés ?» Elle détourna la tête. « Songez qu'il faut que je sache la vérité entière pour apprécier dans toute son étendue le danger qui nous menace. » « Eh bien oui. » dit-elle enfin en rougissant. « Il a osé. Depuis ce jour, et il y a de cela plusieurs années, Il s'était tenu à sa place. Sa présence me gênait, mais c'était tout. Ce qu'il a vu hier lui a de nouveau ouvert les lèvres. Il est venu ce matin pendant l'absence de ma belle-mère, et sous le prétexte de me faire une visite, il m'a raconté ce qu'il avait vu hier. Je suis accouru près de vous. Alors je comprends. Il vous a dit, « Je suis maître de votre secret, comptons ensemble. » Eh bien, c'est avec moi qu'il devra compter. Francis, voulez-vous me perdre? Je veux que votre pureté ne soit pas exposée aux souillures de ce vieillard immonde. Pouvez-vous l'empêcher de parler? Aux yeux du monde, avez-vous le droit de me défendre? Et votre intervention seule n'est-elle pas l'aveu de la vérité? Il marchait dans l'atelier à grands pas, tournant et retournant sur lui-même. « Je comprends votre colère, » dit-elle en le retenant par la main. « Ce n'est pas de la colère, c'est du dégoût. Un homme vous aimerait et vous le dirait, je souffrirais tous les tourments de la jalousie. Mais ce serait un homme, et les sentiments qu'il éprouverait pour vous auraient quelque chose de grand et de noble, ce serait de l'amour. Ceux de ce vieillard n'ont que de la bassesse. Écoutez-moi, mon ami, ne vous laissez pas emporter par la violence. » L'impression de dégoût que vous pouvez éprouver n'égalera jamais celle que j'ai ressentie. Mais il ne s'agit pas de M. Descloiseaux en ce moment. Il s'agit de mon enfant, de vous, de moi, de notre amour, de mon honneur. S'il parle, qu'aurons-nous à faire? C'est cela que je suis venu vous demander. On ne le croira pas. Mon mari, non, mais le monde, les curieux, les indifférents, ma belle-mère. Il y a des choses difficiles à dire. Et il y a des sujets que je n'aurais pas voulu aborder avec vous. Cependant, ces choses, il faut les dire maintenant. Ces sujets, il faut les aborder. Votre regard est trop fin, d'ailleurs, pour n'avoir pas remarqué que la paix qui paraît régner entre ma belle-mère et moi n'est pas sincère. Madame Dalifard me supporte difficilement dans son intérieur, et il est certain qu'elle saisirait avec empressement toutes les occasions qui pourraient m'en faire sortir. Elle attendait une réponse, mais Roel ne parla point. Elle le regarda longuement et vit sur son visage une sorte de sourire. Dans ses yeux, elle crut lire plus de satisfaction que d'angoisse. Ils restèrent assez longtemps ainsi. « Vous ne me répondez rien, » dit-elle enfin. « C'est que je ne pense pas au présent, mais à l'avenir. Je suis au jour où se réaliserait cette rupture dont vous parlez. Et vous croyez que ce jour-là, je me réfugierai près de vous ?» s'écria-t-elle. Voilà donc l'explication de ce sourire que je ne voulais pas voir sur vos lèvres et de ce bonheur que je ne voulais pas lire dans vos yeux. « Eh bien, oui, chère Juliette, » s'écria-t-il en la saisissant dans ses bras, « car ce jour-là, tu seras à moi tout entière. Où tu voudras, loin de Paris, loin du monde, à moi, ma femme. » Anéanti par cette étreinte, troublé par cette parole, fasciné par ce regard, brûlé par ses lèvres, elle s'abandonna dans les bras qui la serraient. Mais ce moment de défaillance ne dura pas une seconde. Elle se dégagea vivement et le repoussant. « Vous savez bien, » dit-elle d'une voix ferme, « que je n'abandonnerai jamais mon fils et que je ferai tout au monde pour qu'on ne me sépare pas de lui. Alors faites-le dès maintenant. Ah, mon ami, vous, c'est vous en ce moment qui parlez ainsi. Pardonnez-moi ce mouvement de brutalité. Je n'ai pas été maître de moi en retombant du rêve que j'entrevoyais dans la réalité où vous me rejetiez. Vous avez raison. Ce n'est pas de cet homme qu'il s'agit. Ce n'est pas de moi. Ce n'est pas de l'avenir. C'est du présent. C'est de vous. C'est de votre enfant. C'est de votre honneur. Cherchons ce qu'il faudra faire. Soyez sûr que je le ferai sans hésitation, sans plainte. C'est par mon amour que vous êtes menacé. C'est à mon amour de se sacrifier. » Elle lui tendit la main et le regardant avec toute la passion qui l'exaltait. « Ah oui, te voilà, » dit-elle. « C'est toi, je ne suis pas digne de ton amour. » Et elle s'accusa elle-même. Ils se mirent à chercher les moyens qui pourraient les mettre à l'abri du danger dont ils étaient menacés. Mais quoi trouver? Ils ne pouvaient pas empêcher M. Descloiseaux de parler. « Ah, notre amour, » dit Juliette. Nos belles journées de liberté et de sérénité. Il fut convenu cependant qu'ils ne changeraient rien à leurs relations apparentes. Seulement, dans l'intimité, ils apporteraient plus de prudence et plus de réserve. À ce moment, Félix entra dans l'atelier, suivi de Madame Erol. Il tenait à la main une cage d'osier dans laquelle on voyait de petits paonneaux couverts d'un duvet jaune. « Tiens, maman, » dit-il en courant à sa mère, « Madame Erol me donne des petits paons. Partons vite pour que je lâche dans ma basse-cour. Ils ont déjà une aigrette, tu sais, sur la tête. Viens, viens !» Il n'y avait pas à résister. Erol, du regard, tâcha de la retenir. Mais elle se laissa entraîner par son fils et elle remonta en voiture.